fais quoi, camp de merde? Je fais te tuer. Les bruits de bombes sont là. La guerre. C'est tout. Camp de merde. Je vais te tuer, tu fais quoi, hein? Camp de merde! Putain, tu es noir, mais je suis un personne. Je vais te tuer! Hasta que no me gusta España Negra. No, pues lo podéis petar si queréis.